Je me promène quand il pleut, je sens de l'eau sur mon visage. Juste une heure ou deux, c'est vrai que c'est un beau paysage. Un peu de fleurs par-ci, un buisson par-là, un chemin par-ci, une maison par-là. Je ne fais jamais rien comme les autres, certains pensent que je suis bizarre. Je ne suis pas non plus apôtre, seulement un oiseau rare. Un gaffeur par-ci, un génie par-là, un malin par-ci, un abruti par-là. Comme dit le film, un dîner de cons, on est tous le con d'un autre. On ne peut pas plaire à tout le monde, passer sa vie à ressembler aux autres. ANPE plus RMI, facile de se perdre dans le système. Big Brother is now watching you. Va-t'en dans la campagne où il n'y a pas de caméra, pas de publicité. Pas de publicité. Pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump